مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة، مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة. أخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي، وقلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. متن الأجرومية الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي المعروف بن آجي الروم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. متن الأجرومية كوغ ديسبونسي بار أبو يوسف عبد الله العاجي. باب المخفوضات من الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم اكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق الباب الذي كان يتعلق بالمفعول معه، ونفوار لديفينيسيو دي مفعول معه وشروط المفعول معه. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في تعريف المفعول لها المفعول معه، قال: هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لمن فعل معه الفعل. On a pu voir que في هذا التعريف في قصور، qu'il fallait rajouter في التعريف الاسم الفضلة، الاسم المنصوب الفضلة، لأن من شروط المفعول معه il faut qu'il soit une فضلة. On a pu voir ما معنى الفضلة، أي أن يكون الجملة، أن تكون الجملة التي قبل الواو تستغني عن ما بعدها. Elle a pas besoin de la chose qui vient après. جاء الأمير والجيش. الآن جاء الأمير، سين جملة كيكون مستقلة، لا تحتاج إلى أو تستغني بما بعده. سسمهنا الفضلة. فهذا سنشر من شروط المفعول معه. C'est pour ça qu'il est bon de l'évoquer في التعريف، أن يقال هو الاسم المنصوب الفضلة الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. C'est الاسم qui est منصوب، la فضلة celui qui est évoqué afin de mettre en valeur celui avec qui celui qui a accompagné le fa'il dans l'action. جاء الأمير والجيش، أي جاء الأمير مع الجيش. Donc ça c'était la première des conditions. الشرط الثاني، on a pu voir que لا بد أن تكون ما قبل الواو المعية أن تكون جملة. On s'était suffi de cela parce qu'on a pu voir qu'on peut, il y a des choses qui remplacent le fi'l. لكن on prend quoi؟ La jumla qui fi'liya كبداية تم كام مبتدئين. فce qui n'est pas une jumla لا يصح أن يكون معه المفعول معه، parce que c'est pas une condition qui sera respectée. Comme on a pu le voir مثلا كل صنيع وشأنه، tu peux pas dire كل صنيع وشأنه. لم سنبوسيب هناك الواو سواو المعية. لماذا؟ لأن الجملة التي قبل الواو ليست جملة فعلية، ليست جملة فعلية. تمام. والشرط الثالث، لابد أن تكون الواو التي قبل المفعول معها كسوا الواو للمعية. تمام. كسوا يتلزي للمعية. Si jamais c'est pas le cas, et ben كذلك le اسم qui sera بعدها on pourra pas le donner comme إعراب comme étant un مفعول معها. تمام. Et on avait évoqué par rapport à cela les halat du waw al-ma'iyya. Tam hunaka halat la yasluh an takuna an yakuna al-kalima ba'da al-waw maf'ul maha. On peut voir ça, c'est si jamais la yasluh fihi ma'na al-ma'iyya. Si on peut pas évoquer ma'na al-ma'iyya, fa al-waw huna c'est impossible qu'il soit al-ma'iyya. Kadhalika al-ism alladhi ba'da al-waw لا ليس من الممكن أن يكون مفعولا معه. كمان بيفوكي جاء خليل وسعيد بعده. تم. الآن بيفوكي جاء سعيد جاء خليل وسعيدا بعده. Pourquoi? Parce que le fait qu'on a dit Ba'da, ليس من الممكن أنه أن سعيد جاء مع خليل. C'est impossible. تم. فلذلك هنا يجب أن يرفع إكو الواو سواء واو العطف. تم. Pourquoi? Parce que لا يصلح أن تكون الواو هنا للمعية. لماذا للسياق؟ تم. Le contexte fait que le واو هنا ça peut pas être للمعية. Parce qu'on a évoqué Ba'da. Et le fait qu'on a évoqué Ba'da, c'est impossible أنهم جاء معا. تمام. Et on avait évoqué qu'il y a des halas dans lesquels il y a juz an takoun al-waw lil-ma'iyya ou takoun lil-atf. On avait évoqué ces halas là. Ça c'est si jamais le waw lil-atf yasluh fihi at-tashrik, et si jamais le waw lil-ma'iyya peut être évoqué. Comme avec la jumla qu'il avait évoqué, al-mu'allif rahimahullah ta'ala, parce qu'il a dit na'am qala istawa al-ma'u, tu peux dire istawa al-ma'u wal-khashaba ou istawa al-ma'u wal-khashabu. Dans les deux cas, tu peux dire ma'na istawa al-ma'u ma'a al-khashaba wa yakun khashaba maf'ul ma'a. Tam. Ou tu peux dire istawa al-ma'u wal-khashabu, tout en observant l'i'rab de wal-khashabu qui est ma'touf ala al-ma, fa yakun al-ma'na istawa al-ma'u wastawa al-khashabatu. Tam. Dans ce cas-là, il est ma'touf ala al-ma. Al-ma il est quoi? Le marfou'. Wal ma'touf ala al-marfou' marfou'un mithluhu. Tam. Et dans des cas, yata'ayyan fihi an takuna al-waw lil-ma'iyya, wa dhalika idha lam yaslah an takuna al-waw bima'na at-tashrik. Tam, s'il y a ça, une possibilité d'association entre le ma'touf ou le ma'touf alayhi dans le fi'l, c'est impossible que on évoque un autre i'rab pour le waw que celui de al-ma'iyya. Comme on avait dit, mathalan safartu wal-qamara. Tam, fa hauna an yuqal safartu wal-qamaru sin khata. لماذا؟ لأن القمر لا يسافر. لا يقال سافر. سلمون دي واو بمعنى واو العطف. معنى ذلك سك القمر اشترك معي في السفر. والقمر لا يسافر. تمام. On peut pas dire سافرت وسافر القمر. Ça c'est une خطأ. تمام. Donc là هنا ça peut être quoi للمعية. سافرت أي مع القمر. أي في الوقت الذي كنت أسافر القمر كان بارزا. تمام. Ça c'était les halats qu'on avait pu voir par rapport à waw al-ma'iyya et le maf'ul ma'a et kazalika parmi les shurut qu'on avait pu voir. Faha huna inshallah aujourd'hui, et ensuite il avait évoqué rahimahullah ta'ala, n'am, min tatmim al-bab, il avait évoqué que khabar kana wa kazalika ismu inna, ils font partie des mansoubat. Il n'a pas répété parce que ça on avait pu le voir dans chacun des abwab, que ce soit dans akhawat kana ou bien dans akhawat inna. C'est pour ça que il s'est il est passé dessus brièvement. Et kazalika at-tawabi', que ce soit al-na't al-sababu bien al-haqiqi, wa kazalika at-tawkid, wa kazalika al-badal, wa kazalika al-ma'touf. Tamam, fa kullu hadhihi al-ashya' al-ma'touf wa al-ma'touf, si jamais le ma'touf a une chose qui est mansoub, il sera mansoub. Kazalika al-na't, si jamais il vient comme sifa d'une chose qui est mansoub, il sera mansoub. Wa at-tawkid kazalika si qablahu, il y a une chose qui est mansoub, il sera mansoub. Wa kazalika al-badal. Tamam, fa hauna inshallah سنكمل هذه الرسالة بإذن الله عز وجل وندخل في هذا الباب الجديد الذي هو باب المحفوظات من الأسماء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المحفوظات من الأسماء. كما رأينا أن المؤلف رحمه الله تعالى مذهبه في النحو أنه كوفي النحو، فلذلك عبر بالجر بالمحفوظ. أما أصحاب بصرة يديز المجرور. Ils ne disent pas al-mahfoud. Ou savoir que tu dises mahfoud ou bien majrour, c'est une même ibara pour la même chose, comme on a pu le voir. Qala babu al-mahfoudi min al-asma. Naam. Ou al-mahfoud la yati ila ala al-asma. Al-mahfoud la yati ila ala al-asma. On ne peut pas évoquer le khafd dans une chose autre que quoi? Que l'asma. Comme on avait pu voir dès le début, il avait dit anwa' al-i'rab arba'a. Faqala al-raf'u, al-nasbu, al-jar. أو بتلا دي الخفض والجزم. فقال فللأسماء من ذلك الرفع النصب والجر. Et que les أفعال يفعل الجر. تمام. Donc c'est pas possible. C'est pour ça qu'il a dit باب المحفوظات من الأسماء. فليس هناك كلمة غير الأسماء تكون محفوظة. فقال المحفوظات ثلاثة أنواع. أي من حيث المواضع. تمام. Par rapport aux emplacements. تمام. قال مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. ينادي رحمه الله تعالى كالمخفوض إلى على ثلاثة أنواع: سؤال مخفوض بالحرف أي حرف الجر، وسؤال مخفوض بالإضافة. إنسان سيا مذهب، لأن بعضهم يديز que le مخفوض lorsqu'il y a بين المضاف والمضاف إليه، c'est qui a rendu majeur le مضاف إليه. Certains disent c'est quoi؟ C'est le مضاف. Lorsque tu dis مثلا جاء عبد الله، فجاء فعل ماضي مبني على الفتحة. عبد الله plutôt عبد فاعل المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. تم كلاهما مجرور للفظ الجلالة. بعضهم يختلف العلماء، certains disent que c'est الإضافة، le fait que les deux soient annexés، وبعضهم يدسي quoi؟ c'est المضاف. والصحيح lorsqu'il y a un خلاف par rapport aux عوامل أيهما يقدم، parce qu'on a pu voir que العوامل على قسمين: لفظية et معنوية. لفظية c'est ceux qui se prononcent، ومعنوية c'est ceux qui ne se prononcent pas، comme الإضافة، comme الابتداء مع المبتدا، comme التجرد من الناصب والجازم في الفعل. تمام. فها هنا ils ont dit les علماء إذا اختلف العوامل on a عامل qui est quoi؟ qui est معنوي، et l'autre qui est quoi؟ qui est لفظي. Ils disent le mieux c'est de قدم le عامل qui est quoi؟ qui est لفظي، parce qu'il est موجود. تمام. Et le fait de dire qu'il y a معنوي c'est un تقدير، on sous-entend une chose. تمام. Ils disent c'est أولى أن نقدم الشيء اللفظي، celui qui est حقيقي، celui qui est présent، à la chose qui est quoi؟ qui est sous-entendue. تمام. Donc là والله أعلم c'est un خلاف، والخلاف في هذه المسألة لا يضر. أي قول أخذت فقد أخذت بقول من العلماء. تمام. Donc là on peut dire مخفوض بالإضافة، لكن الصواب والله أعلم أن يقال المخفوض بالمضاف. تمام. C'est le مضاف qui rend مخفوض أو بمجرور المضاف إليه. قال وتابع للمخفوض كما نبي هو التوابع سوى أربعة: البدل، مثلا سيجدي نعم مشيت بالشيخ الفوزاني. تمام. ها هنا الفوزاني لكوا سي البدل. تمام. إلى المخفوض سيجدي مثلا مشيت بالشيخ الفاضلي، لا سعنعت الفاضلي لكوا إلى المخفوض. سيجدي مثلا مشيت بعمر وعبد الله، مشيت بعمر وعبد الله، فهنا عبد الله إلى معطوف على عمر، إما كوا التوكيد. نعم. رأيت وبتو مرنت بالأمير نفسه. تم مرنت بالأمير نفسه، فنفسها هنا تم سيا سيا توكيد. donc les توابيع c'est comme on a pu voir et ça c'est simple. il y a pas de problème par rapport à cela. لكن vu que c'était توابيع ils suivent donc ils sont évoqués dans chaque bab parmi les asma que ce soit الرف النصب أو بيان الجر. نعم. فقال رحمه الله تعالى فقال فأما المخفوض بالحرف أي بحرف الجر فهو ما يخفض بمن بمن بتو بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب سأخذ على المشوص وبمنذ وبمنذ تام وبمنذ ومنذ. نعم. فالمؤلف رحمه الله تعالى إلى إيفوكي بعد حروف الجر. تام. أما حروف الجر ils ont évoqué qu'ils sont au nombre de 20. تام. on va pas tous les évoquer, on va juste se contenter des حروف التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المتن، لأنه هو متن للمبتدئين ولا يصلح أن نتوسع فيما لم يتوسع فيه المؤلف رحمه الله تعالى. donc on se contente inshallah d'évoquer les معاني de ces حروف là qu'il a évoqué رحمه الله تعالى et كذلك d'évoquer un exemple qui suit avec. فparmi les حروف qu'il a évoqué رحمه الله تعالى من ومن له معاني كثيرة. شامل tu regardes dans les كتب de نحو من il évoque de من معاني كثيرة ومن أشهر معاني من الابتداء. تمام. مثلا تقول خرجت من البيت إلى المسجد. من البيت أي أن خروجي بدأ من بيتي. تم يكون بمعنى الابتداء. والكلمة التي أو plutôt الاسم الذي بعد من يدفين مجرور directement. ça c'est simple par rapport à l'arabe. tu diras من حرف جر. et ce qui vient après tu diras اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة إلى آخره في آخره si jamais c'est un اسم qui est quoi؟ un اسم مفرد qui est pas ممنوع من الصرف. تمام. قال donc ça c'est là معنى كي أشهر لي من. ensuite il a évoqué إلى. كذلك إلى له معاني كثيرة ومن أشهر معاني إلى c'est al-intiha, comme on a évoqué dans l'exemple. خرجت من البيت إلى المسجد أي أن خروجي انتهى انتهى أين إلى المسجد تام فمن معاني إلى سي الانتهاء كذلك الإعراب نسخة المنصوص قال وعن وعن من معانيها التجاوز المجاوزة والبعد في المسجد مثلا رميت السهم عن القوس أي أن السهم تجاوز القوس C'est-à-dire qu'il a dépassé. Bimahana, al-mujawaza, et wakazalika, al-bu'd. Sirtu anil balad, et ba'udtu anil balad. Ba'udtu anil balad. Donc ça c'est min mahani, an kazalika, il a d'autres mahani. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ala. Wa min ashhar mahani ala, al-isti'ala. Le fait qu'il y a une chose qui est au-dessus. Ar-Rahman, ala, al-arsh istawa. Ala, et al-irtifa' wa su'ud. ونعم العلو والاستقرار كما يبكي الإمام أو كما يبكي نعم كما يبكي الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته تام دوك لا سي بمعنى الاستعلاء تام وضعت القلم على المكتب تام أي أنه مستعلى بنسبة المكتب أي القلم مستعلى بنسبة المكتب إلى أدو سودلي تام قال رحمه الله تعالى وفي نعم ومن أشهر معاني في الظرفية سديع الظرفية المكانية والزمنية لأن ذلك شيء حصل في dans ce زمن لا تم دون à l'intérieur pourquoi الظرف comme on a pu voir الظرف تم c'est الوعاء la chose qui englobe une autre تم et lorsque pourquoi ils ont évoqué من معاني في parce que l'action qui s'est passée avec في تم que ce soit dans le زمن ou bien dans le مكان elle a été englobée par le Le, comment s'appelle le zaman du fi'l lorsqu'on dit mathalan ji'tu fi yawm al-jum'a tam ay anna maji'i hasala fi dhalika al-yawm tam hadha huwa ma'na fi dharfiyya tam qala wa rubba wa rubba c'est soit bi ma'na at-taqlil ou bi ma'na at-taksir tu dis mathalan yani bi ma'na at-taqlil rubba mawludin wa laysa lahu ab tam peu de personnes qui sont venues au monde et qui n'ont pas de père. On parle par rapport à Isa ibn Maryam. Et annahu laysa lahu ab. Pour ça qu'ils ont dit rubba mawludin wa laysa lahu ab. Peu de nouveau-nés, il y a très peu de nouveau-nés qui n'ont pas de père. Le asl c'est qu'il y a un père et une mère. Lakin rubba huna bi ma'na ish ani qalil ay qalla min al mawlud ma laysa lahu ab. Wa qad yakun bi ma'na at taksir. كما يعني جاء في حديث رب كاسية عارية يوم القيامة يعني رب هنا أي كثير كثير من الكاسيات تجسّل كسامية لكن كسم ملبيه parmi les femmes عارية يوم القيامة qui seront dévêtues يوم القيامة نتلاصق بمعنى إيش بمعنى التكثير فعلى حسب السياق comment on fait pour reconnaître رب هل هو بمعنى التقليل أو بمعنى التكثير على حسب السياق تنظر السياق وتراعي معاني السياق والمعنى الذي يصلح للتقليل ذكرته والمعنى الذي يصلح للتكثير ذكرت له قال والباء وكذلك الباء إلى معاني كثيرة وأشهر هذه المعاني الاستعانة فلذلك دون إعراب كيفون دون بسم الله الرحمن الرحيم أهل السنة والجماعة يذكرون أن الباء هنا بمعنى الاستعانة أي أستعين متلفظا بسم الله سبحانه وتعالى راجيا رحمته تمام بمعنى الاستعانة. certains évoquent d'autres choses par rapport à la basmala, لكن المعنى الصحيح سكيف سي الباء للبسملة للاستعانة. وقد يكون بمعنى الملاصقة. تام. مثلاً قبضت المفتاح بيدي. أي التصق المفتاح بيدي. تام. سبت هذا كذلك بهذا المعنى. لكن dans le basmala, certains des أهل البدع, ils sont venus, ils ont évoqué d'autres sens الباء. لأنهم بعدهم قدرية. وبعضهم جبرية والقدرية ينفون عن الله سبحانه وتعالى المشيئة والجبرية ينفون عن العباد القدر نعم المشيئة يديسك العباد لهم بد مشيئة القدرية يديسك الله سبحانه وتعالى لا بد مشيئة بغبوه وفعل العباد donc si jamais ils disent الاستعانة ها هنا الباب الاستعانة ça va en contradiction avec leur madhhab parce que si jamais tu dis الاستعانة معنى ذلك que t'as une volonté t'as une مشيئة تم et qu'Allah سبحانه وتعالى كذلك تم إلى كذلك المشية التي تتعلق بأفعالك فإن شاء أعانك parce que le fait que tu demandes l'istihana c'est pour qui t'aide Donc insha'a anak. Donc c'est pour ça qu'ils viennent ils disent que al-ba'huna, ils disent d'autres sens, musahaba, ceci et cela. Lakin al-basmala hahuna, al-ba fi al-basmala bi ma'na al-istihana la ghayr kama qala al-imam al-Qurtubi alayhi rahmatullah fi tafsirih. Qala rahimahullah ta'ala wal-kaf. Wal-kaf ashhar ma'ani al-kaf at-tashbih. Anta ka akhi. Tamam. Anta ka akhi, ay anta tushbi akhi. Tamam. Ça c'est min ashhar ma'ani al-kaf pour les huruf al-jar. قال واللام وأشهر معاني اللام إما التمليك وإما الاختصاص تمام التمليك إذا كان بين ذاتين تمام comme ils disent بين ذاتين et certains disent بين عاقلين تمام c'est mieux de dire بين عالمين تمام بين عالمين et deux personnes qui ont la possibilité de posséder تمام مثلا tu dis j'ai l'exemple avec l'ikhtisas on va commencer par l'ikhtisas que tu dises مثلا هذا الباب للمسجد تم هذا الباب للمسجد فها هنا اللام بمعنى الاختصاص pourquoi parce que là c'est entre deux choses qui n'ont pas le moyen de posséder tam yani ils sont pas doués de raison si on peut dire ça tam ils sont pas doués de raison et on c'est mieux de dire qu'ils ne sont pas qualifiés par la science parce que ça peut entre, on peut utiliser l'âme dans l'œuvre de Jalala et Allah subhanahu wa ta'ala il est amin اوصافه انه العاقل تم donc c'est mieux de dire للعالمين تام. لا c'est pas للعالمين parce que الباب لا يصف بالعلم وكذلك المسجد لا يصف بالعلم فهنا يكون للاختصاص ويكون للتمليك مثلا هذا رسول لله تام. هذا رسول لله مثلا هذا الولد لي تام. اليا هنا للمتكلم أي أنا تام. فها هنا للتمليك تمام ها هنا للتمليك يعني معناه c'est entre ذاتين lorsque c'est entre deux choses que tu peux utiliser, que tu peux qualifier comme étant des personnes qui possèdent, ça sera bima'na at-tamlik, et lorsque ce sera entre deux choses qui n'ont pas la possibilité de posséder, ça sera al-irtisas. Qala bi huruf al-qasam. Qala wa huruf al-qasam thalatha. Qala wa hiya al-waw wal-ba wat-ta. Wallahi billahi tallahi. Ils ont évoqué par rapport à le ta que c'est un harf al-qasam, lakin la yadkhul illa ala lafz al-jalalah. لا يدخل إلا على لفظ الجلالة. So, tu peux pas dire مثلاً tu peux pas dire مثلاً تعزة الله. تام تعزة الله. Tu peux pas dire cela. تام أما بعزة الله نعم. تام وعزة الله كذلك. لكن تا c'est un قسم qui est réservé pourquoi لفظ الجلالة. تالله. Et certains disent que أنه يجوز القسم باسمه سبحانه وتعالى الرحمن. فبعضهم يقولون que des abiyah dans lesquels les arabes disaient تال رحمن. لكن الأشهر c'est que tu l'utilises que pour لفظ الجلالة تالله et tu peux pas l'utiliser pour un autre nom من أسمائه سبحانه وتعالى et les trois c'est للقسم للقسم معروف قال وبوا وربا c'est la même chose وربا c'est وربا مثلا tu dis dans l'exemple qu'on avait évoqué on avait dit ربا مولود ليس له أب فإيه ils vont évoquer ils vont dire وربا ça c'est le واو il a rien à voir avec حرف جار لا صحيح طبعا. قال وموذ ومنذ نعم كذلك ce sont des حرف جار لكن بشروط أولا معاني de موذ et كذلك منذ et c'est pareil c'est la même chose sauf que dans là on enlevait quoi on enlevait le nun le nun الساكنة on l'enlevait voilà, sinon موذ ومنذ c'est le même sens et les معاني qui sont évoquées pour موذ et كذلك منذ ils ont dit قد يكون بمعنى من. Ça c'est si jamais l'ism al-majrur qui vient بعد, l'ism al-majrur qui vient بعد, il a la notion du ماضي. مثلا si jamais je dis ما رأيته منذ أمس. ما رأيته منذ أمس. أي ما رأيته من أمس. لماذا لا c'est بمعنى من؟ لأن الاسم المجرور بعد منذ أو بين منذ il a bimahna al-maadi parce que ams c'est bimahna al-maadi si jamais le ism majrur bimahna al-maadi fa yakun mundh ou bien mundh bimahna min et si jamais le ism majrur ba'da rubba ba'da mundh ou bien mundh c'est bimahna al-hadir fa hauna mundh ou bien mundh il aura la ma'na de al-dharfiya fi si jamais je dis mathalan ma ra'aytuhu mundh yawmina ma ra'aytuhu mundh yawmina ay fi fi yomina. Donc, comment on observe le ma'na de mundh ou bien de mundh par rapport au ismu majrur alladhi ba'da mundh ou bien mundh. Si jamais c'est bi ma'na al-ma'adhi, ce sera bi ma'na min. Et si jamais c'est bi ma'na al-hadir, ce sera bi ma'na fi. Tamam. Et parmi les conditions qu'ils ont évoquées pour Mund et Kadal et Kamud, afin que ce soit un harf mujar, parce qu'il peut être utilisé, inshallah, ça sera dans un autre livre, il peut être utilisé comme étant un varf zaman. Lakin, pour que ce soit un harf mujar, il faut que le fi'l qui vient qabla Mund, ce soit un fi'l ma'adri nafi. Fi'l ma'adri et Kadal et Kanafi. Ma'adri, et qui soit de la forme négative, comme on a pu voir dans les exemples, ma ra'aytu hauna ra'aytu safal ma'adi wa subiqa bi nafyi ki ma ra'aytu mundu amsi. Tam. Et كذلك dans un deuxième exemple, ma ra'aytu mundu yawmina. Tam. Fa hauna mund, il aura le sens de quoi? Il aura le sens du harf jar. Pourquoi? Parce que le fi'l qui est qablahu, c'est un fi'l qui est ma'adi et qui est nafi. Tam. Amma si jamais c'est pas le cas, ça sera un dharf zaman. Ça inchallah c'est à voir dans un autre livre. Fa qala rah, ça c'est par rapport au harf jar, et il y en a d'autres. Lakin al-mu'allif rahimahullah ta'ala, il a évoqué ceux qui sont les plus utilisés et répondus. Sinon, il y a hatta ila akhirihi. Qala rahimahullah ta'ala, qala wa amma ma yuhfadu bil idafa fa nahwu qawlika ghulam zaydin. Il nous dit rahimahullah ta'ala, la troisième partie, plutôt la deuxième. Le mahfoud, celui qui est mahfoud bil idafa, on a pu voir que as-sahih an yuqal المحفوظ بالمضاف لأن العامل إذا كان حقيقيا ولفظيا فيقدم على العوامل المعنوية فقال وأما ما يخفض بالإضافة أي بالمضاف فنحو قولك غلام زيد غلام هاونا ما بيفعل العرب parce qu'il y a pas de sens il dit à partir du moment que la kalima le kalam il a pas de sens il peut pas faire d'arab غلام زيد il manque quoi il manque le مبتدا مثلا سيدنا غدي هذا غلام زيد فهنا غلام سنا خبر كي مرفوع بمبتدا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره وهو مضاف وزيد مضاف إليه إلى مضاف بإيش إلى بتول مجرور بإيش بالمضاف قال وهو على قسمين والصحيح أنه على أربعة أقسام لكن المؤلف رحمه الله تعالى لا يفكيس والله علم أفاد الأفاد يدير كيس على قسمين الغدي يدير مثلا ومنه قسمين ومنه قسمان إلى جوست يفكيس دو قسم tout en par rapport au fait que c'est un kitab de débutant, lakin le fait de dire que il a la qismain c'est pas sahih tamam parce qu'il y a d'autres sortes et as-sahih c'est qu'il a ala arba'at aqsam lakin on va évoquer juste les deux sortes qala huwa ala qismain ma yuqaddar bil lam wa ma yuqaddar bimin n'am faut savoir awalan que al-idafa ma huwa al-idafa wa ma hiya al-idafa al-idafa nisbatun bayna ismain ala taqdir harf jar wa n'am ala taqdir harf jar al-idafa c'est le fait d'apparenter un nom à un autre tout en sous-entendant un harf jar entre les deux. Lorsqu'on a dit مثلا غلام زيدين. تمام؟ غلام زيدين. فها هنا on appelle ça une idafa. Pourquoi? Parce qu'il y a quoi? Une nisba. تمام؟ Une notion d'appartenance, تمام؟ entre les deux et ces deux ismes. تمام؟ l'idafa ça peut être que entre deux ismes. تمام؟ Tu peux trouver un isme avec un fi'l ou un isme avec un harf, c'est impossible. تمام؟ Donc là comme on l'a par rapport à la définition, nisbatun bayna ismayn ala taqdir harf jar baynahuma. Il y a un harf jar qui est sous-entendu entre les deux. Tam. Et là, on a le harf jar qui est sous-entendu, c'est quoi tamlik? Tam. Lorsqu'il dit ghulam zaydin, ay hadha ghulamun li zaydin. Tam. Hadha ghulamun li zaydin. Le harf jar qui est sous-entendu hauna, c'est tamlik. Et comment on fait pour le connaître par rapport au contexte? Tam. Lorsque tu dis, on va le voir, de toute façon, ils sont. Bon, on va juste évoquer les deux. Mais le harf jar, c'est son nombre de quatre, al-muhim. Ce soit l'am. C'est soit fi, c'est soit min, c'est soit le kaf. Donc là, on n'aura pas pu dire hada ghulamun ka zaydin, c'est impossible. Ou hada ghulamun min zaydin. Non, c'est plutôt li, yani yamlik, tamam. On n'aura pas pu dire hada ghulamun fi zaydin. Donc là, c'est quoi? Le lam, tamam. Parce que le min, c'est pas possible, c'est le bayaniya, c'est pas معنى البياني هنا, tamam. Même si jamais on peut ressentir que ça se dit lorsqu'on dit ghulamun min zaydin, là, tamam. Là, c'est li zaydin, tamam. Les harf al-jar qui sont muqaddar, ils sont au nombre de 4, comme on a pu dire, le lam, min, le kaf, et lam, min, kaf, et le fi. Donc, toi tu regardes en fonction de ces harf al-jar, lequel de ces harf al-jar il y en a peut être sous-entendu, et ensuite tu verras que c'est celui-là qui est sous-entendu. Qala wa huwa ala qismain man yuqaddar bil lam, wa man yuqaddar bimin. فالذي يقدر بلام نحو غلام زيد أي هذا غلام زيد قال والذي يقدر بمين نحو ثوب خز والخز يعني نوع من أنواع الحرير c'est une sorte de soie. Et là, hauna, c'est pas bima'na lam. Hada thobun li khazin. Khazin, c'est pas une personne qui yamlik, ou bien l'ikhtisas bihi. Hauna, c'est ce qui est voulu, c'est hada thobun min khazin. Yani, tu es en train d'évoquer le nom, la catégorie, le genre de ce vêtement-là. Comme on aurait pu dire, mathalan, هذا ثوب صوف تام هذا ثوب صوف يعني c'est un vêtement de laine تام معنى هذا ثوب من صوف تام فها هنا بمعنى من on n'a pas pu dire li on n'a pas pu dire kaf et kazalika on n'aura pas pu dire fi تام قال وباب ساجن وخاتم حديد نعم tout cela c'est بمعنى بارك الله فيكم من Et Sajin, j'ai oublié de regarder la définition de ce mot-là. Wa khatamu hadidin, ay hadha khatamun min hadid. Donc là, yasluh. Et kazalika, celui qui est évoqué, celui qui est fi. Celui dont le harf jar, il est muqaddar et qui évolue fi. Maintenant, tu dis qiyamun layl. Ay hadha qiyamun fil layl. Lorsqu'on dit qiyamun layl, c'est une idafa dans laquelle il est sous-entendu un harf jar. Lequel est de ces harf jar? C'est le fi. Qiyamun ay hasala fil layl. Fi. Donc ça c'est en relation, on peut rajouter كذلك les ahkam de al-mudaf ou al-mudaf ilayhi ma'ruf, c'est que le mudaf ou plutôt al-idafa tujib al-jar, comme l'a évoqué, ça fait partie des mahfoudat, elle oblige que le mudaf ilayhi soit majrur, et ça c'est da'iman. Et كذلك le mudaf il prend pas de tanwin, le mudaf min ahkam mudaf ou mudaf ilayhi, c'est que le mudaf il ne prend pas de tanwin, et كذلك il ne prend pas il rentre pas dedans. À partir du moment qu'il y a une idrafa, le tanwin ne peut pas rentrer dedans, et kazalika, le lam ne peut pas rentrer dedans. C'est faux de dire Rulamun Zaydin. Rulamun Zaydin. Ça, c'est une khata. C'est une khata. Li anna al-idrafa tanha anil al-tanwin wa kazalika li kuboul al. On ne peut pas dire al-rulamu Zaydin. Non, c'est impossible. Donc, ça, c'est parmi les ahkams qui sont évoqués par rapport à l'idrafa. Et il nous dit, ensuite, il dit Rahimahullah ta'ala, tamma. بحمد الله تعالى. Donc là, inshallah tabarak wa ta'ala, sur ce dernier chapitre qui est bab al-mahfudat, alhamdulillah rabbil alamin walladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, on a fini inshallah le matn de al-rumiyya, wa nas'allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana wa iyyakum bi hadhihi ad-dirasa wa an yaktub lana al-ajr wa thawab wa an yarham al-mu'allif wa yujzi al-khair bi hadhihi al-istifada allati ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا المتن هذا المتن المبارك نعم سام متن dans lequel Allah عز وجل il a mis une mubaraka plutôt une baraka. Il n'y a pas une personne qui étudie dans Nahu sans qu'il passe par ce kitab là qui est Al-Ajrumiyya. وهذا لشدة والله أعلم إخلاص المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. Il a dû avoir un grand إخلاص lorsqu'il a écrit ce kitab là. C'est pour ça qu'Allah عز وجل كتب لهذا الكتاب القبول تم الله عز وجل il a mis l'acceptation dans ce kitab là. Tu vois les ulama تداولوا هذا الكتاب بالشروح كثير من العلماء ils font des شروحات de ce kitab là. فالحمد لله بنعمة الله عز وجل on a pu finir ce dernier cours et ce matin de Al-Ajrumiyya. Donc inshallah تبارك وتعالى comme on avait évoqué la suite du Nahwu se continue تمام et ça sera plus en ligne. Ça sera plus, je veux dire, en direct, lakin, on les mettra directement sur le site. On les mettra directement sur le site. Et ça sera Al-Ajrumiyya, plutôt, je veux dire, Mutammimatu Al-Ajrumiyya. C'est le kitab qu'on étudie après ce kitab-là. Donc, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, révisé. Ça, c'est la base. Al-Ajrumiyya, c'est la base. Celui qui l'a bien compris, il aura de bonnes bases. C'est-à-dire que, vous allez voir dans Nahwu, le Nahwu, qu'est-ce qui est difficile dans Nahwu? C'est pas une matière qui est difficile. Lakin, il y a beaucoup de taqasim, il y a beaucoup de catégories, il y a beaucoup de anwa', il y a beaucoup de ces choses-là, il y a beaucoup de définitions. Sinon, le nahwu, c'est une matière qui est sahle et qui se répète beaucoup. Et afin de la maîtriser, inshallah, il faut que la personne elle a des bonnes bases. C'est-à-dire qu'elle comprenne qu'elle a bien compris al-ajrumiyya. Et ensuite, elle continue à faire une silsila dans cette matière-là, dans le nahwu, et elle s'arrête pas. Il ne faut pas mettre d'interruption dans le nahwu. La plus grande erreur, c'est que si tu mets une interruption dans le nahwu, il rentre, tu l'assimiles très très vite et tu le perds très très vite. C'est une des matières qui est le plus difficile à conserver, qui n'est pas la plus difficile, mais qui n'est plus l'une des plus difficiles à conserver. Parce qu'il y a beaucoup de taqasim, il y a beaucoup de taharif, et si jamais en plus la personne n'a même pas en pratique, min haythu al-kitaba ou bien al-takallum, il va avoir des difficultés. فننصحكم بمراجعة هذا الكتاب. تمام. ويذكر أن الشيخ أبو بلال حفظه الله تعالى أنه نعم درس هذا الكتاب 6 مرات. الشيخ أبو بلال ما شاء الله سيكا كان ضل نحو كي يبوكي ويمان يعني بعمي مشايخ النحو فإلى غيبتي 6 fois ce كتاب لا ككتاب الأجرمية. وكذلك يذكر أن الشيخ مقبل عليه رحمة الله أنه راجع كتاب القطر الندى أكثر من 6 مرات. تمام. Ils ont beaucoup, il a beaucoup répété à Cheikh Maghbel le kitab qui est Qatr Nada. Ça nous montre que des ulama, Tama Lazina Sabakuna, dans la dirasa du Nahu, ils ont énormément répété. Wahala Lazina Sahakum. Le fait qu'on a pris Al-Ajrumiyat, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont se répéter. Lakin, ces choses-là, c'est des bases. Si jamais tu n'as pas les bases, tu ne pourras pas construire les, d'autres fawaïd qui vont être donnés au-dessus de ces bases-là. Fala Buddha Min, Muraja'ati Hadal Kitab. Vous écoutez les doros, ou bien si jamais vous trouvez une personne avec qui vous avez pu, yani qui est proche de chez vous, qui a étudié un peu dans le Nahu, et le Muraja'a avec lui, et ça c'est très très très mohim. Donc Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on mettra matatayassara la suite de cette silsila dans le Nahu, Inch'Allah, après qu'on aura mis en ligne le dernier cours, et ce sera le mutamima, et on a déjà commencé avec un frère ici, donc Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, nas'Allah azza wa jal, an yu'inana ala itmamihi kama a'ana. على هذا على إتمام هذا الكتاب تمام اي ان شاء الله le livre qui sera à venir c'était sur le doua inshallah on fera l'annonce en temps et en heure et inshallah tabarak wa taala comme vous avez pu le voir on a mis une nouvelle plateforme en activité qui est Mixler tamam et maintenant on peut suivre directement les cours kadhalika les conférences il y aura un programme aussi de diffusion de Coran ila akhir muhadarat fatawa et directement du site c'est-à-dire que alhamdoulillah on fermera la porte aux réseaux sociaux, le fait que il peut y avoir une mixité entre eux, les hommes et les femmes. Donc là, on va fermer carrément Inch'Allah la porte à cela et on donnera les cours directement en direct de Yannis, la personne, Al-Talib, il pourra suivre le cours directement depuis le site. Donc Inch'Allah, le prochain cours à venir, c'est-à-dire dans Al-Dua, le livre qu'on va faire dans Dua, il sera pas sur Paul Talk. Lakin, Inch'Allah, si jamais je rencontre des difficultés au niveau de la connexion, et bien Inch'Allah on bascule sur le Paltak. Donc gardez vos identifiants avec vos mots de passe parce qu'on ne sait jamais, si jamais il arrive un problème de connexion et la khiri, et bien on basculera directement sur le Paltak. Lakin Inch'Allah on essaiera de délaisser Paltak. Et Kadalika, les cours à venir, je pense qu'ils seront à venir Inch'Allah sur Mixler. Et Kadalika, il y a une application. Donc nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yu'inana ala nashr al-ilm bi'ayyi wasa'il min al-wasa'il al-mubaha. Si il n'y a pas de questions Inch'Allah par rapport au cours, on va se contenter de ça. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa iyyakum. On se quitte sur cela. Wa jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين. لا تركن إليهم هؤلاء إثعابي.